timide, moi batte jamais faire déclaration. L'élène tout dirait mais moi cependant pas jamais bon m'attirance. Coup d'yeux tombé dans deux mois, libéré tête, si quatre plis dans front lit. C'est comme ça nous grandit, et puis la vie a fini loyer nous. Moi pas jamais l'élève, moi pas jamais connais qui ça le devenu. C'est comme ça nous grandit, et puis la vie a fini loyer nous. Moi pas jamais l'élève. Mwen pa jam konen ki sa l devenu. Thank you. Bye.